Chapitre deuxième. C'est toi, Charles ? Dit Claire Langlois d'une voix douce au moment où son mari entr'ouvrit avec précaution la porte de sa chambre. Elle avançait sa jolie tête blonde avec un mouvement à demi inquiet. Un mot et un sourire de son mari la rassurèrent. Il se laissa retomber sur l'oreiller, d'un air paresseux et satisfait. Comment, tu ne dormais pas ? Fit le médecin avec un petit coup de remords au cœur. Si j'avais su, il y a plus d'une heure que je serais rentré. Mais il fait si beau que je me suis laissé entraîner à faire le tour des remparts avec juste André. Tu as bien fait, dit la jeune femme. J'ai dormi, d'ailleurs. C'est, je crois, le bruit de ta clé qui m'a réveillé. Elle souriait, en regardant ce cher mari, objet de toutes ses pensées, heureuse de le voir près d'elle, mais satisfaite de savoir qu'il avait eu un moment de plaisir. La représentation a-t-elle été bonne ? Demanda-t-elle. Pendant que Langlois, après avoir arrangé la veilleuse, dépliait le journal du soir, arrivait en son absence. « Pas mal. Mademoiselle Balbine a un certain talent. »« Autant que Rose Rosier ?» demanda Madame Langlois en s'accoudant sur sa main blanche et fluette. Langlois, pris au dépourvu, la regarda indécis. Que venait faire entre eux à cette heure de la nuit, ce vieux souvenir qu'il avait eu lieu de croire oublier ?« Tu m'avais toujours dit, » reprit la jeune femme, que Rose avait un talent inimitable. « Elle était extraordinaire, c'est vrai, » répliqua le médecin en reprenant son sang-froid. « Tu l'avais vue, je crois. »« Jamais. On ne me menait pas au théâtre avant mon mariage, tu le sais bien. »« Elle était fort bien, en effet, » répondit Charles en s'asseyant dans un fauteuil au pied du lit. Il venait de prendre une décision et son esprit clair le poussait à agir aussitôt. « Qui t'a parlé d'elle ? » demanda-t-il en caressant dans sa main celle de la jeune femme. « Tout le monde. Est-ce vrai, Charles, dis-moi, que tu en as été amoureux ? Tu peux bien me le dire, à présent, puisqu'elle est morte. »« Est-ce que cela te ferait quelque chose ?» demanda le jeune médecin, en interrogeant du regard les yeux limpides de Claire. Celle-ci sourit, hésita, et une rougeur fugitive passa sur ses traits purs, un peu fatiguée par son état de souffrance. « Puisqu'elle est morte, » répéta Madame Langlois. « Et puis, quand même, n'est-ce pas, c'était avant notre mariage ?» « Cela ne peut plus rien me faire, pourtant... »« Rassure-toi, ma chérie, » dit le médecin, en baisant la main mignonne qui venait de frémir dans la sienne. « Je n'ai pas été amoureux de Rose Rosier. C'est toi que j'aime et que j'aimerai toujours. Mais cette pauvre fille a été bien malheureuse, et j'ai pour elle une amitié sincère. Mais elle est morte. » Insista Claire avec une ombre de doute dans la voix. « Non, » dit Langlois avec fermeté, « il faut que je te parle d'elle aujourd'hui. » Elle a éprouvé un horrible accident, tu le sais. Oui, fit Claire en pâlissant. Pendant qu'elle jouait à tour, elle est tombée avec son cheval dans les dessous, je crois. Pas tout à fait. Elle jouait un rôle où elle devait franchir un précipice à cheval. En réalité, c'était peu de chose. Le précipice n'existait pas. L'obstacle avait à peine 1 mètre de large. La profondeur était insignifiante. Le cheval bien dressé avait manœuvré à merveille aux répétitions. Le jour de la représentation, il a manqué des pieds de derrière. Il est tombé, et elle, désarçonnée, s'est trouvée prise dessous. « Oh !» fit Claire en se couvrant les yeux de la main. On baissa le rideau naturellement, et le bruit courut qu'elle était morte. En réalité, elle avait les deux jambes cassées, et l'on craignait qu'il n'eût quelque chose à la colonne vertébrale. On s'inquiéta d'elle pendant quelques jours. Elle avait une fièvre singulière, épouvantable, avec délire. C'était très intéressant. Puis voilà que la semaine suivante, une écuyère du cirque se tue pour tout de bon. Cela fit oublier Mademoiselle Rosier, ou plutôt, on mêla les deux aventures ensemble et Rose passa pour morte. « Comment sais-tu qu'elle ne l'était pas ?» demanda Claire en fixant ses yeux candides sur ceux de son mari. « Parce que j'avais été la chercher à Tours, et que je l'avais fait amener ici, » répondit le médecin, en suivant l'effet de ses paroles sur le visage mobile de sa jeune femme. « C'était 6 semaines avant notre mariage. » Tu sais avec quelle impatience j'attendais ce bienheureux jour. Cependant, quand j'appris par un de mes collègues, médecin à Tours, que la pauvre fille se mourait d'ennui à l'hôpital, de plus que le médecin en chef lui paraissait avoir pris à contresens la maladie bizarre qui accompagnait les blessures, je pensais qu'il y avait là un cas curieux. Peut-être une cure extraordinaire qui me mettrait en lumière et qui me vaudrait une certaine renommée. Mademoiselle Rosier avait de l'argent. J'obtins sur sa demande la permission de l'emmener. Et elle arriva ici un soir avec sa vieille bonne, qui l'a vue naître, et qui lui est dévouée. C'est toute une histoire, un roman plutôt. Oui, fit Claire, songeuse. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Chère inconséquente, l'aurais-tu caché à ta mère? Non, n'est-ce pas? Et si ta mère l'avait su, tout Chartres n'aurait été informé le lendemain. Eh bien? Eh bien, on aurait dit que je l'avais ramenée parce que j'étais amoureux d'elle, et cela aurait fait rompre notre mariage. Claire sourit légèrement. Une ombre de doute restait encore dans ses yeux d'enfant. Et cette demoiselle est guérie? Demanda-t-elle en hésitant. À peu près. Elle boit encore un peu, mais cela ne durera pas longtemps. Tu n'en as parlé à personne? Fit Claire en levant ses sourcils d'un air inquisiteur. Si fait, j'en ai parlé à Juste André. J'ai peut-être eu tort. Il a eu pour elle une passion muette, qui ne demande, je crois, qu'à se ranimer. Claire sourit tout à fait joyeuse. Pauvre garçon, fit-elle. Après tout, tant pis pour lui. Les papillons n'ont pas besoin d'aller se brûler à la flamme. Et dis-moi, mon petit mari, bien sûr, tu n'es pas amoureux de cette actrice. Bien sûr, répondit Langlois tout à fait sincèrement. Et elle, elle n'est pas amoureuse de toi. Et la jeune femme s'avisant tout à coup de cette éventualité avec un effet si comique que son mari ne put s'empêcher de rire. « Ah, pour cela, non, » dit-il en se penchant vers elle pour l'embrasser. « Fille, la vilaine petite jalouse, est-ce que je puis songer à autre chose, et surtout aimer autre chose que ma mignonne femme et le bébé qui va venir ? Pense, Clairette, comme nous allons être heureux quand nous serons nous trois. » Madame Langlois ne demandait pas mieux que de parler de bébé. Et il fallut que la cathédrale sonnât 2 heures pour qu'elle se décidât à se rendormir. « J'ai bien fait de lui dire la vérité, » pensa son mari, en regardant la jolie tête blonde un peu pâle sur l'oreiller, à la lueur atténuée de la veilleuse. « J'aurais peut-être dû le faire plus tôt. » Une impression désagréable traversa son cerveau. « Plutôt, pourquoi ? N'était-il pas bien temps, à présent, que Juste André allait sans doute recommencer, près de Mademoiselle Rosier, ses assiduités ? Qui avait attiré sur lui l'attention des bonnes langues de Chartres. Après tout, c'était l'affaire du jeune ingénieur. Chacun sait ce qui lui convient. Si André se faisait tourner en ridicule, il ne s'en prendrait qu'à lui-même. Ses réflexions étaient fort sages. Cependant, Charles Langlois, en s'endormant, éprouva une sorte de remords, comme s'il avait poussé un agneau dans la gueule du loup pour s'en préserver lui-même. Et en même temps, il se sentit un peu jaloux de cet agneau, que le loup allait dévorer de ses belles dents blanches et aiguës.